Avant le début de l'épisode, je voulais vous parler du nouveau concept de 21 Shuttle, on devine vos classements. Le principe est simple, vous envoyez une vidéo de vous en situation de match, que ce soit compétition ou jeu libre, et on essaye de deviner votre classement dans le tableau concerné. La vidéo sortira ensuite sur notre chaîne YouTube. Les infos complémentaires sont à retrouver sur notre serveur Discord et le lien pour participer est dans la description de l'épisode. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Bon épisode! C'est déjà l'heure de débriefer le dernier Super 1000 de la saison. Aujourd'hui, on s'attaque au China Open tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Et je suis comme d'habitude accompagné de Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Bon, vous l'aurez remarqué, on ne publie pas cet épisode le lundi mais le mercredi pour la deuxième fois consécutive. Promis, vous allez peut-être pas nous croire mais on essaye de faire des efforts, on va essayer de régulariser, de retourner à notre jour classique le lundi, mais des fois voilà, nos calendriers respectifs font que c'est difficilement faisable. Mais on va quand même débriefer, évidemment, ce China Open normalement. Et Benoît, même avant que le tournoi commence, je m'en souviens, c'est la semaine dernière quand on débriefait le tournoi de Hong Kong, on regardait les tableaux qui ont été modifiés pour certains à la dernière minute. Je me souviens qu'on avait un peu bloqué devant ce tableau de mixte. Voilà, un peu étrange, on en reparlera, mais bon... On va pas vous mentir et vous vendre du rêve, c'était un super mille un peu particulier, Benoît. Oui, en fait, ce que tu veux dire, je traduis, hein, parce que c'était un peu comme Hong Kong, mais c'est pas un super mille à Hong Kong, et c'était encore moins bien. Pour vous faire une idée approximative de la semaine qu'on a passée. C'est ça, mine de rien, là, il y en a depuis les Jeux qui ont quand même pas mal enchaîné les tournois. Donc on a eu des forfaits pour le mixte. Le mix, je pense que c'est le tableau le plus impacté parce que la plupart des paires se sont séparés ou ne jouent pas des paires principales. Donc il y avait. Et Benoît, juste avant, tiens, qu'on passe sur le débrief, on se disait c'est un peu dommage. Je pense que le staff français a pris des décisions qui s'imposaient pour pas mal de joueurs et qui justifiaient leur absence, mais. Et certains, par exemple, comme Anne Tran, sont blessés. Donc là, c'est encore plus compliqué. Oui, mais oui. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu beaucoup de Français parce que c'est un super 1000 un peu au rabais. Il y avait des points à prendre et certains l'ont très bien compris d'ailleurs. Ouais, c'est un peu dommage. Après, je pense qu'il y a une stratégie de cumuler les tournois quand tu viens sur des destinations aussi lointaines. C'est ce qu'avaient fait Alex Lagnier et Arnaud Merclet quand ils ont fait le tout début de la tournée post-JO. Je pense. Très honnêtement, qu'à part les pop-off qui peuvent se le permettre, beaucoup préfèrent multiplier. Alors, il aurait fallu faire peut-être Hong Kong, Chine, Macao, j'en sais rien. Mais c'était, à mon avis, pas envisageable de faire que la Chine, malheureusement, parce que je pense que, comme toi, c'était 1000 au rabais. En plus des mecs qui étaient peu en forme, je pense qu'il y avait des gros points à prendre. C'est clair. On va rentrer dans le débrief tout de suite en commençant par... Le simple dame, une finale entre chinoises. Donc c'est la paire Li Zhang contre Li Luo. Donc ça va être. On va parler beaucoup de joueuses chinoises. Donc il va falloir vous accrocher parce qu'effectivement il y a des noms qui se recoupent. On va essayer d'être clair. Donc Li Luo, elle joue ensemble d'habitude. Li Zhang, elle joue pas ensemble d'habitude. En tout cas pas tout le temps. Et c'est Li Luo qui l'ont emporté 11-21, 21-18, 21-8. Un match, Benoît, un match à rebondissement où pendant très longtemps on n'a pas vu Li Luo dans le coup. Mais elle arrive à revenir en fin de deuxième. Et Li Zhang, notamment Zhang Shuxian, se sont totalement effondrés. Dans le troisième set, ce qui nous a donné un match finalement somme toute assez décevant où il n'y a eu qu'un set intéressant quoi. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'on est surpris? Je suis pas sûr non plus. En fait, au-delà du match décevant, la qualité de jeu, je juge pas le fait que ce soit un match sino-chinois, mais juste en fait pour moi il y a une paire qui est pas à son niveau, mais en vrai t'as deux paires entre 10 et 20 et voilà, en finale d'un 1000, Bah, très clairement, même si le niveau est bon pour ces paires-là, ce sera jamais à la hauteur de ce que t'attends en finale 2000. En plus de ça, le scénario, bon, il y a eu un peu de suspense dans le deuxième, mais c'est à peu près tout. Franchement, on va pas tourner autour du pot. Enfin, on avait peu d'espoir, peu d'attente, et clairement, on a quand même été déçus, quoi. Ouais, pour tout vous dire, là, juste avant qu'on enregistre, je me souvenais plus de ce match, je me suis fait un résumé. Et pour ceux qui connaissent les résumés de la BWF, il y a toujours un hot shot, un peu un coup exceptionnel au tout début pour lancer la vidéo. Là, c'était un service. Donc je me suis dit... Ah, même le monteur, il avait pas envie. C'est vrai que c'était un grand match. Oui. Benoît, ce qu'on peut dire, on va aller dans le détail des paires têtes de série, mais c'est que... On a vu notamment Jiayi Fan, la championne olympique, qui l'a joué avec Zheng Yu, alors que juste avant, son dernier tournoi où elle avait joué avec Li Wenmei, qui là a fait finale avec Zhang. J'espère encore une fois que c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que la Chine, la CBA, est clairement en train de faire des tests. Et même quand elle met des paires qui ne jouent pas tout le temps ensemble, elle a réussi à dégoûter les japonaises, les coréennes, toutes les autres têtes de série qui sont passées à côté. Et Benoît, ça laisse songeur sur la concurrence au sein du double dame, parce que même quand la Chine n'aligne pas ses paires optimales, on a toujours Chen Jinchen qui est, pour l'instant, je pense, à Bali ou autre, sur la plage, en train de profiter elle aussi de son titre olympique. Même en alignant pas les meilleures paires, la Chine arrive à dégoûter tout le monde. Et là, ça rejoint ce qu'on disait il y a pas longtemps, Benoît, sur les paires non chinoises qui sont vraiment en galère. Très clairement, je pense que la transition, elle est parfaite pour résumer tout ce qu'on n'a pas dit sur cette finale. C'est que, franchement, c'est même pas que les paires optimales sont pas alignées, parce qu'il y avait quand même Liu Tan dans ce tableau qui sont tête de série 2 et. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont numéro 2 mondiales, si je dis pas de conneries, peut-être derrière Chen Jia, mais qui vont pas le rester au ranking. Elles sont numéro 3 mondiales, mais bref, elles sont pas très loin et elles auront le potentiel pour passer numéro 1. Donc, il y avait quand même des top joueuses chinoises, plus ces paires-là que tu mixes. Et les paires japonaises, pas à la hauteur, les paires coréennes, pas à la hauteur. Ça relance, c'est ce que tu disais, le débat qu'on a eu la semaine dernière aussi, c'est que encore une fois, même là où la Chine tente, fait des expérimentations et tout, bah en fait, même là, elle est à l'aise, elle fait une finale sino-chinoise et t'as trois paires chinoises en demi, quoi. Exactement, 3 paires sur 4 en demi étaient des chinoises. Les seules résistantes, c'est Jeong Kim, mais elles ont pris 12 et 14 par Li Luo, du coup, elles ont pas vraiment résisté longtemps, hein. C'est pas vraiment... Sinon, les autres têtes de série, une Baek Li, elles ont perdu en quart de finale contre les futurs finalistes Li Zhang, 18 et 18. Kim Kong ont perdu contre cette même paire chinoise le tour d'avant, 22-20, 21-16. On a Iwanaga Nakanishi qui était tête de série 4, sans commentaire, qui perd 17 et 20 contre Li Shin, les coréennes, au deuxième tour. Donc tête de série 5, c'était donc Jiayi Fan avec Zheng, je l'ai dit, elles font demi. Jeong Kim, j'en ai parlé, il reste Matsuyama Shida, tête de série 3, qui elle perd au deuxième tour, le premier qu'elles ont joué, contre la paire taïwanaise Teng Yang. Franchement, j'attendais beaucoup mieux de Matsuyama Shida sur un 1000 quand même. Ouais, Benoît, tu veux dire un mot de ce match? Monstrueuse cette paire inconnue au bataillon. Non, je rigole, c'était nul. Merci. Et Tantina, tête de série 6, qui perdent dès leur premier match contre Li Luo. Pareil, j'attendais mieux de Tantina qui, elles, allez, ont peut-être l'excuse d'être un peu plus fatiguées parce qu'elles ont perfé sur les tournois précédents, mais malgré tout, voilà. Benoît, c'est vrai que, pour conclure et revenir sur ce que j'ai dit, la Chine, à domicile, s'est faite plaisir et a frappé un grand coup et nous a montré que pendant ces 4 ans jusqu'à Los Angeles, va falloir se lever tôt pour les autres pays s'ils veulent empêcher... une médaille d'or chinoise à LA 2028. Il va falloir se lever tôt et le plus frustrant en tant qu'observateur, c'est vraiment ce truc de se dire franchement, on a une paire qui ne sera probablement pas à Los Angeles. Franchement, je prends le pari qui a gagné un super 1000 alors que quand tu vois les vainqueurs chinoises des 10 dernières années, c'est que des pointures. Alors, il y a eu Chen Jia plusieurs fois, mais c'est franchement, c'est que des boss finales du game. Et ouais, là très clairement, je pense pas que c'est une paire qui sera top 3 mondial un jour ou en qui la Chine mettra toutes ses billes, quoi. Non, c'est vrai que Liliuo, elles étaient même pas top 10 avant ce match. Là, elles vont être 11. Ça a toujours été une paire secondaire, quoi. Et là, effectivement, elles arrivent à s'offrir un mille. Mais en Chine, bah, elles ont eu raison de, elles ont eu raison de d'y croire, hein, évidemment. C'est leur deuxième titre de la saison après le German Open. C'était un super 300, mais là on parle de évidemment d'autre chose. On passe au tableau suivant, le double mixte. Take that. Le double mixte avec une finale un peu plus animée quand même entre Golai, les Malaisiens, que vous connaissez bien mais qui n'étaient même pas tête de série, et les Chinois Feng Wang, tête de série 2, dont on a parlé un peu en long, en large et en travers la semaine dernière. Cette fois, le titre, il est pour eux, mais il a fallu batailler pour les locaux. Ils ont perdu le premier set 21-16, et derrière, ils gagnent 21-14, 21-17. Benoît, un peu pareil que sur le double dame, d'ailleurs, on a... Pendant ce match, enfin moi, pendant longtemps, je voyais pas trop comment le titre pouvait échapper aux Malaisiens tant ils semblaient au-dessus sur un set et demi, on va dire. Mais les Chinois, ils ont fait le dos rond et je trouve que les Chinois ont pas tant, enfin, ils ont peut-être un peu élevé leur niveau de jeu, mais je trouve que c'est surtout les Malaisiens qui et surtout Go qui n'a pas réussi à garder son rythme du début pendant tout le match. Ouais, après c'est un peu dur. Moi j'ai pas eu l'impression qu'il était en sur-régime, mais en tout cas il réussissait tout ce qu'il tentait et il était vraiment parfait dans tous ses choix, tout était juste. C'était peut-être dur de tenir ce niveau-là tout le long d'un match et je pense que leur niveau moyen, enfin je pense, en tout cas leur résultat ces 2-3 dernières saisons disent que leur niveau moyen est quand même en dessous de ce qu'on a pu voir pendant un set et demi. Mais je suis d'accord avec toi, pendant un set et demi, même, bon, on pourrait dire même sur le troisième set, mais globalement, on a eu une bonne finale, même si on reste, je pense, un peu critique par rapport au niveau d'un Super 1000, mais ça, on a eu une bonne finale, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est clair. Franchement, alors la semaine de mixte était éclatée. Hein. On va vous en parler, vous allez voir. Mais C'est là, dit. mais oui, la finale a un peu relevé. J'aurais bien aimé une victoire de Golai parce que moi, je trouve que ils étaient quand même en sur-régime par rapport à leur niveau moyen, Ok, ouais. notamment sur cette semaine. Franchement, ils font une semaine de fou alors qu'ils n'ont pas eu un tirage facile. Contrairement à Zeng Wang, dont on va parler, à Feng Wang, dont on va parler juste après, Golai, ils ont battu Ethan, les Singapouriens, Jomko Paesampran, Jiang Wei et Cheng Zhang, une autre paire chinoise. Ils ont mis 2-7 à tout le monde, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Avant de perdre en finale, alors que côté chinois, on n'a pas battu grand monde. Hein. La paire taïwanaise Lin Lin, Wang Chilin et Suini, la nouvelle paire, une autre paire taïwanaise dont on va parler juste après, Toft Magelun et Fernandicia Wijaya, Benoît et puis Golai. Donc déjà, ça veut dire que côté Feng Wang, on a gagné un Super 1000 sans avoir battu la moindre tête de série. En même temps, Benoît, on va parler après du tableau. C'est pas dur puisque des têtes de série, il n'y en avait pas beaucoup dans ce tableau. Oui, on aura. J'allais me lancer là-dessus, mais t'as raison, on en parlera juste après. Après, quand t'es tête de série 2 dans un tableau de Super 300, forcément, tu joues des paires de ce niveau-là. Mais en fait, c'est même pas tant leur faute que ça. C'est juste que bah, il y a eu beaucoup d'absents et tout, et du coup, le niveau des paires affrontées, c'est pas celui d'un Super 1000. A minima, contrairement à d'autres dans d'autres tableaux, on peut dire qu'ils ont fait le job. Même dans leur propre tableau, certains ne l'ont pas fait. Donc Ah oui, évidemment, je leur reprocherais. Hein. Eux, ils avaient clairement une fenêtre, Feng et Wang, et ils en ont profité, ils en ont profité à fond. Ils ont raison, ils prennent des bons points. Et en plus, après la défaite face à Zhang Wei la semaine dernière, là, le fait que leurs compatriotes s'arrêtent en quart et que eux, ils aillent au bout, je pense que ça leur redonne un peu de crédit. Mais voilà, de. C'est leur deuxième titre de la saison à Feng Wang. Ils avaient gagné quoi? Ils avaient gagné bah, les IFB d'ailleurs. À Paris, ouais. Effectivement, c'est drôle, c'est que les trois paires chinoises de mix principales, les trois ont pris un 1000 et les trois ont pris un 750. Donc comme ça, tout le monde est content. La Chine, évidemment, en mixte encore, qui reste bien au-dessus. Benoît, ouais, on se faisait la réflexion juste avant d'enregistrer Hong Kong la semaine dernière. On regardait ce tableau en Chine. Donc, en gros, comme tête de série, on avait Zhang Wei, Tang Tse et Feng Wang, c'est tout. En gros, il y avait trois têtes de série au lieu de huit parce que jusqu'à très tard, L'organisation n'avait pas changé les paires, donc on avait encore Watanabe Gashino, Fuawarano Crotaire, Atana Chai, Zeng Wang dans ce tableau, alors qu'on savait très bien qu'ils n'allaient pas jouer. Ils ont tout changé à la dernière minute et on s'est retrouvé avec un tableau invraisemblable où par exemple Zhang Wei n'ont pas eu à jouer de deuxième tour parce que en gros il y a un match qui ne s'est pas joué juste en dessous, donc en gros ils ont joué un premier tour, après ils n'ont rien fait, après ils ont joué leur quart. Certains ont été exempts, d'autres non, enfin des paires totalement random qui n'ont pas eu de tête de série à jouer, de premier match à jouer alors qu'elles n'étaient pas tête de série et leur classement normalement ne devrait pas les avantager. Enfin ça a été très très très mal géré. Oh bah oui, enfin je peux pas aller contre toi, c'était franchement vraiment de la merde. On nous a vendu comment on dit, pas les rééquilibrages, mais qu'on refaisait les tableaux en gros, oui. Avant les tournois pour éviter ce genre de truc, et c'était dans l'idée très bien, ça s'est plutôt bien passé sur les premières tentatives et tout, mais là c'était catastrophique. Enfin, une semaine avant le tournoi, t'as des mecs qui ont même pas le niveau pour être sur un super 750 voire même un super 500 qui se retrouvent là. Tu gagnes ton premier tour, t'es direct en quart de finale. Enfin, franchement, je suis désolé, mais j'arrive pas à capter parce que c'est parfois plus dur de gagner des matchs sur un International Challenge que là. Franchement, ouais, j'ai été saoulé. Alors, je sais pas si c'est l'Orga ou la BWF ou les deux, mais franchement, ouais, en termes d'organisation, pathétique ce qui s'est passé en Chine. Ouais, c'est non, surtout c'est clair, pour ce tableau-là, mais c'était vrai pour tous. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était vrai pour tous, mais c'est ce tableau-là qui en est la meilleure illustration. Je vous conseille juste d'aller le voir. Je connais beaucoup de tournois de secteurs qui sont beaucoup mieux gérés que ça. Benoît, un mot de. On a parlé de la nouvelle paire Wang Shilin Su Yinui, une paire qui nous rend curieux, qui nous donne envie de voir. Pas de premier tour à jouer et une défaite assez sèche contre les futurs vainqueurs Feng Wang 12 et 10. Je ne sais pas si tu as pu voir ce match et si tu t'es intéressé. Est-ce que la marche était trop haute? Est-ce que tu vas attendre de voir? Est-ce que tu en attendais plus aussi de la part des Taïwanais? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne vais pas te mentir, c'est le seul match que j'ai regardé dans ce tableau. Bah, je me doutais, c'est pour ça que je te lance dessus. Des résumés, parce que... c'était déjà. Voilà. Ouais, vas-y, dis-moi. Bah, honnêtement, c'était dur de juger parce que déjà, s'ils avaient eu ce premier tour, alors ils l'auraient gagné ou pas, mais c'était plus un premier tour de d'une paire qui se lance, très clairement. Prendre Feng Wang pour ton premier match ensemble en Chine, non, c'est vraiment pas un cadeau. C'était trop dur, la marche était trop haute. On sent qu'il y a encore des réglages aussi dans la paire. Je me résume pas à ce 12-10, très clairement, parce que je pense que c'est pas leur réel niveau. Ils vont avoir besoin d'un temps d'acclimatation. Même des top pairs en ont eu besoin. Et là, on a quand même un mec qui a pas joué en mixte, en tout cas à haut niveau, depuis peut-être 10 ans. Donc, non, il va falloir du temps. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il va quand même falloir être un peu patient et les voir sur des tournois un peu moins élevés. C'est clair. De toute façon, je pense que du temps, ils en ont. Hein. Là, ils sont rentrés sur 1000, comme on l'a dit, parce qu'il y a eu beaucoup de d'absence, etc. Mais on les attend pas. Je pense que l'ambition, il va falloir qu'ils soient un peu plus performants rapidement en double homme. Je pense qu'en double mix, il a un peu plus de temps. Wang Shilin, je pense qu'il n'est pas spécialement attendu au tournant non plus. Et Benoît, tu veux dire un mot peut-être de la défaite de Zhang Wei en quart de finale contre Golai, Zhang Wei qu'on a vu très fort la semaine dernière, qui là perd 23-21, 21-16 contre une paire, encore une fois je l'ai dit, qui fait pas la semaine de sa vie mais une semaine ultra, ultra solide. J'ai pas vu le match mais en fait c'est ça, c'est qui fait une semaine ultra solide et t'es tombé contre une paire qui fait une semaine ultra solide. En vrai, c'est ça que je retiens. C'est dur, je trouve, de tirer des conclusions de la défaite. Mais oui. Pareil, surtout que Zhang Wei, eux, pour le coup, ils ont joué hein, depuis les jeux. Donc, je pense que ça peut s'expliquer aussi comme ça. Voilà, je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose sur le double mixte. Évidemment, pas de Tom et Delphine. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Juste un petit mot parce que Wang Chilin, on en a parlé, mais c'est vrai qu'il me semblait bien, mais il a joué à Macao cette semaine et il jouait avec une autre partenaire. Donc, comme on débriefera pas Macao, je le glisse là et on verra ce qu'il en est dans les mois à venir. Ça marche. Nous, en attendant, on passe au simple dame. Aimez-vous le badminton? Ah non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Simple dame également remportée par la Chine par l'intermédiaire de Wang Zi, tête de série 3 de ce tournoi et, comme Benoît, tu me le faisais remarquer avant qu'on enregistre, nouvelle numéro 2 mondiale, Wang Zi, numéro 3 mondiale en fait, elle est encore derrière Chen Yufei. 21-17, 21-15, sa victoire face à Tomoka Miyazaki, la jeune japonaise. Benoît, c'était pas un mauvais match. Et pour le coup, le score est assez mérité. J'ai bien aimé la perf de Wang Zi. Je dirais que bon, je sais la réputation des joueuses chinoises est pas forcément fantastique, mais je trouve que c'est pas la pire à voir jouer, franchement, Wang Zi. Non, c'est pas la pire à avoir joué, même loin de là. Enfin, en tout cas, elle est quand même spectaculaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est quand même assez beau à avoir joué, c'est assez léché comme jeu. Non, c'est sympa. Tu vois, à Hong Kong, on parlait de Han Yue. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus sympa à voir que Han Yue, par exemple. Ah bah, je pense pas trop, ou même que Gao Fangji, qu'elle a battu dans la semaine. Enfin, c'est juste que, encore une fois, je vais paraître dur, je vais pas t'inclure là-dedans, mais Wang Zi, pour moi, c'est pas une joueuse qui gagne des super 1000. Non. Voilà, après, c'est dur à dire parce qu'elle est top 3 mondiale, elle a déjà fait des finales en super 1000, je crois qu'elle avait fait une finale en Indonésie il y a peut-être deux ou 3 ans, je sais plus. Mais franchement, c'est pas une joueuse qui domine le circuit. C'est quand même c'est cool qu'elle gagne chez elle et tout. Même si j'aurais aimé un autre résultat pour cette finale, mais c'est parce que la joueuse en face, j'ai beaucoup d'affection. Mais en vrai, Wang Zi, elle a pas volé son titre. C'est juste que quand on voit son tableau, mais c'est pas, encore une fois, pas sa faute. On se dit ok quoi, c'était pas un super mille. Elle fait sa saison, hein, Wang Zi. Elle gagne 2500 en début d'année. Indonesia Masters et Malaysia Masters. Là, elle prend 1000. Effectivement, autant la voir s'imposer sur des 500, c'est pas surprenant. La voir sur des 1000, il y a l'effet post-JO qui joue pas mal. Parce que pour moi, et même la voir 3e mondiale, pour moi, elle est pas. Il y a au moins 5 joueurs qui sont 5 joueuses, pardon. Qui sont meilleures qu'elle dans ce tableau. Donc. Mais comme tu le dis, c'est pas de sa faute. Là, elle était la joueuse la mieux classée. Et elle en a profité. Elle perd 15 sets sur la semaine. Elle a battu dans l'ordre Mia Blichfeldt, Zhang Yiman, sa compatriote, son autre compatriote Gao Fangjie. C'est là qu'elle perd un set d'ailleurs, le premier. Ensuite, Aya Ohori assez facilement. Puis, donc elle finit avec deux japonaises. Aya Ohori, puis Tomoka Miyazaki, pardon. Miyazaki qui. Elle, alors. A eu plutôt un début de semaine pas trop compliqué avec Chai Wan, la thaïlandaise, et Julie Dawal Jacobsen, la danoise. Bon match contre Yeo Jamin et surtout, Benoît, victoire contre sa compatriote Akane Yamaguchi, 22-20, 21-15, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Je vais pas en faire trop sur les symboles de ce que ça peut représenter au Japon, mais en tout cas, on peut noter qu'on ne s'attendait pas. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à voir Yamaguchi s'incliner contre Miyazaki aussitôt, on va dire. Non, pareil. Honnêtement, j'avais pas regardé le match, je me le suis refait a posteriori parce que je pensais que ça allait être chiant. C'était une vraie opposition de style, c'était plutôt intéressant à voir. Après, Tomoka Miyazaki, honnêtement, c'est quand même un bad très école japonaise. Des déplacements très intéressants, des plans tactiques très clairs, enfin, c'est quand même un bad assez carré. C'est très différent de ce que proposait Akane Yamaguchi, qui est quand même, je vais pas dire une exception dans le bad japonais, mais par son physique, elle a développé un jeu qu'on voit peu au Japon. Mais, oui, Miyazaki, c'était... ça ressemble un peu plus à ce que faisait Okuhara, je trouve, par exemple. Oui. Dans le style, si je dois faire des rapprochements, c'est pas exactement pareil. Elle est plus grande, mais voilà quoi. Oui, non, mais carrément. Et du coup, c'était un match assez intéressant. Je vous recommande d'aller le voir. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à aller voir cette semaine, mais le Miyazaki Yamaguchi, c'est sympa. Après, ça reste, quand tu l'as dit, j'ai critiqué la semaine de Wang Zi. Je vais pas faire genre celle de Tomoka Miyazaki, elle est exceptionnelle, à part sa victoire en demi. Ouais, puis même Yamaguchi. Le contraire, mais même Yamaguchi, pour arriver là, elle a battu Payupo, Chiu Pinchian et Malvika Bansot. Franchement, franchement, j'adore Yamaguchi, mais là, elle va prendre des points d'une demi sur 1000 alors qu'elle a battu personne. Enfin, franchement, c'est. Le simple dame a souffert aussi. Benoît, ouais, et pour finir sur Miyazaki qui, avec cette petite perf, cette finale, rentre dans le top 20. Elle est désormais 18e mondiale. Je pense que, vu les joueuses devant, elle a encore la place pour arriver dans le top 15 à terme. Après, on verra, il y a quand même une petite barrière pour le top 10. On verra combien de temps elle met à faire ça. Mais franchement, c'est elle est très, très, très intéressante à voir jouer. Benoît, que dire de Tai Tsuying qui perd au premier tour contre Julie Lavoie-Jacobsen 21-19 au troisième? Tai Tsuying, ça devient triste parce qu'en plus, nous, on est obligé de respecter la même chose toutes les semaines, de répéter la même chose toutes les semaines, c'est-à-dire pourquoi tu continues à jouer? Ouais, s'il te plaît, arrête. Fais une pause au moins. Au moins une pause. Une grosse pause. On en parlera après d'une pause, d'ailleurs. Ah! Non mais voilà, on va pas redire ce qu'on a déjà dit, référez-vous à ce qu'on a dit il y a une semaine et il y a deux semaines et il y a un mois, je crois, c'est que Tai Tsuying, le corps ne suit pas, apparemment elle pousse pour intégrer les finals à la fin de la saison, mais elle en a clairement pas la capacité. Et là, je pense que, sans manquer de respect à Julie Lavoie-Jacobsen, perdre contre une joueuse de ce type là au premier tour d'un 1000, c'est le signal d'alarme qu'il faut tirer maintenant, ça y est. Pour les autres têtes de série, Han Yue, tête de série 6, perd contre Gao Fangjie, une autre chinoise, au premier tour. Ohori, j'en ai parlé, elle avait battu Intanon au premier tour. Dommage, Intanon était peut-être la joueuse que je voulais voir cette semaine. Dommage qu'elle prenne une tête de série et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, parce que je l'avais trouvée assez intéressante la semaine dernière. Défaite surprise de Toon Young contre Malvika Bansod, l'indienne, dès le premier tour, alors que Toon Young était tête de série 5. Et voilà, peut-être Benoît, un mini-mot, hein, mais Paulina Borova, la jeune joueuse ukrainienne, on en avait parlé parce qu'elle avait battu Shishufei au jeu, là elle perd contre Ombang Gonfan au premier tour, mais en prenant un set, et bah, je sais pas, la voir sur des 1000, c'est une jeune joueuse, mais elle a quelque chose, moi je trouve quand même. Elle a quelque chose, bon après elle prend quand même une sacoche dans le deuxième et dans le troisième. Mais elle joue quand même une joueuse qui est chiante à jouer sur un premier tour. Surtout en fait, Ombang Gonfan nous a quand même pas habitué à perdre contre des joueuses hors du top 20 mondial. Alors ces derniers mois ça a été un peu différent, mais globalement c'est pas le cas. Et Paulina Borova, ouais, je suis d'accord avec toi, elle prend aussi ses marques sur le circuit. Je sais pas si elle avait déjà joué un Super 1000, mais en tout cas on la voit apparaître sur tes premiers tours de gros tableaux comme ça. Et ouais, je suis curieux de voir quelle évolution elle peut avoir. Ouais, moi aussi elle a que 20 ans, hein, donc franchement elle a encore tout à prouver. Là, elle vient de rentrer dans le top 60 seulement, donc elle est encore loin, hein. Elle va pas être sur des 1000 tous les jours, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, parce que voilà, des joueuses de simple dame européennes qui arrivent à s'imposer à haut niveau, finalement il n'y en a pas tant que ça. Benoît, j'ai fait à peu près le tour sur ce tableau de simple dame, qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'on peut passer au tableau suivant. C'est noté, on va donc passer au simple homme. Look at this, look at that. Simple homme, victoire de Wang Hongyang. Ça y est, Benoît, on se disait une victoire par an, c'est à peu près son truc. Donc c'est ce moment-là dans l'année, on peut le cocher sur le bingo 2024. La victoire en tournoi qu'on n'avait pas vu venir de Wang Hongyang, le chinois. Il s'impose en 2-7 au terme d'une finale bien, bien, bien décevante contre Kodai Naraoka, 21-17, 21-12. Benoît, je sais pas ce que tu veux dire sur ce match. Moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai été assez déçu de Naraoka et relativement quand même impressionné par ce qu'a proposé le chinois. Ouais, après relativement, je pense qu'il faut l'enlever. On a affaire au prochain grand, je pense. Lindan a assisté à son sacre. Même Shiyushi l'avait vu venir en début de semaine, il a préféré se retirer de lui-même. Je pense que Wang Hongyang, honnêtement, il a pris rendez-vous avec l'avenir. Ouais, mais je sais pas avec quel tournoi en 2025, mais il a pris rendez-vous. C'est ce que j'allais dire, Wang Hongyang, il prend rendez-vous tous les ans, mais on dirait le dentiste en gros. Il y va une fois par an, il prend rendez-vous une fois par an pour faire un check, mais jamais il confirme en fait. Sachant que des fois tu l'oublies, potentiellement il revient qu'en 2026 ou 2027. Oui, c'est ça, et puis il faut des semaines pour avoir un rendez-vous, c'est un peu chiant avec Wang Hongyang, mais non, c'est clair que c'est assez dingue. Benoît, ce joueur, c'est quand même une énigme, hein. Il a quand même 25 ans, donc c'est plus vraiment un joueur en devenir. Il avait gagné, on en avait parlé, il avait gagné le Denmark Open l'année dernière, un 750, là il prend un 1000. quand il avait gagné au Danemark, je m'en souviens même l'année d'avant où il prend la où il gagne en Corée contre Christie, on se dit et puis en plus évidemment dès qu'il y a un Chinois gaucher, on pense ah Lindan tout ça, mais en fait enfin là depuis le début de l'année, Wang Hongyang il est giga décevant et il a quasiment rien montré. Donc c'est quoi son niveau à ce mec? Bah, c'est une bonne question. C'est franchement compliqué à juger parce que, en fait, il se retrouve à peine dans le top 20 mondial là. Enfin, à peine. Je dis à peine parce qu'il a pris tellement de points que forcément il est rentré. Mais franchement, je sais pas si on peut compter sur ce gars dans son évolution. Enfin, en tout cas, dans des perfs de pointe, ouais. Mais je pense pas que ce soit ce que cherche la Chine. C'est dur de jauger en fait. Bah, je me souviens que c'est des discussions qu'on a eues quand il a gagné son premier tournoi, même au Danemark l'année dernière. On se dit ah ok, mais il trouve quand même pas d'équilibre, donc c'est dur de jauger. Et en plus de ça, tu l'as dit, mais en face il y a un mec, les rendez-vous chez le dentiste, il en a régulièrement, Ouais. mais lui il les rate. C'est Donc clair. il fait une bonne semaine, parce que vraiment, on va reparler de sa demi après, mais il fait une très très bonne demi et il s'écroule alors que, enfin, il joue pas le match de sa vie, il est pas stressé par l'enjeu, c'est assez inexplicable ce qui s'est passé. C'est clair. Pour illustrer un peu ce qu'on disait sur Wang Hongyang, le mec n'a jamais dépassé le deuxième tour cette année. De n'importe quel tournoi. Et là, il restait sur trois premiers tours consécutifs. À chaque fois, c'est pas des têtes de série. Depuis les Jeux, il a perdu au Japon contre Nishimoto au premier tour, en Corée contre Lu Guangzhu au premier tour, et en Hong Kong contre Lei Longqi au premier tour. Donc, et franchement, quand il perd, c'est pas vraiment contre des cadors, hein. Franchement, c'est bon. Au début de l'année, il a eu des tirages difficiles, forcément. Mais voilà, aucun deuxième tour. Et là, le mec, il arrive, il gagne le tournoi. Du coup, en battant successivement Lee Chuck-Yew, Xu Tien-Chen, Anders Antonsen, Jonathan Christie et donc Kodai Naraoka. Donc, il finit quand même avec les têtes de série 5-6-7. Ouais, c'est très très très très dur de jauger le niveau de ce mec. Donc rendez-vous dans un an quand il gagnera, je sais pas moi, les championnats du monde s'il a envie de se réveiller. Ah non, peut-être qu'il les joue pas parce qu'il est pas assez bon Mais il sera dans sans les doute pas Chinois. là, mais Mais ouais, non, c'est assez fou. Et j'ai une Benoît, petite côté question Nara, pour toi. ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais tant qu'on est sur One, est-ce que tu peux me citer les autres Chinois qui ont gagné ce tournoi depuis 15 ans et One, s'il te plaît? Le China Open, bon, j'imagine que Lindan doit avoir son mot à dire depuis 15 ans. Oui, je te demande pas le nombre, juste les noms depuis 15 ans. Je sais pas, Shiushi l'a gagné de China Open, j'en sais rien moi. Non. Non, je dirais non, Non, même pas non. Shiushi. Est-ce qu'il y a que Lindan? Non, il y en a un autre. Qui l'a gagné 4 fois, je dirais. 3, 4. Ah bah Chen Long. Voilà. Bah. Voilà. Il est quand même rentré dans un sacré cercle, l'ami, là. Ouais, bah il peut peut-être rester en dehors du cercle d'ailleurs en ce qui me concerne. Voilà, c'était. J'ai pas trop envie de les mettre dans la même phrase. Non, mais c'est vrai que c'est fou parce que Non, c'est mais Lindan ouf. et Chen Long, c'est des mecs qui arrivaient peut-être pas sur leurs dernières années de carrière, mais c'est des mecs où toute l'année ils étaient là quoi. Alors que Wang Hongyang, des fois il a un niveau top 5, la plupart du temps il a un niveau top 20, limite top 20. Oui. Benoît, côté Naraoka, alors il a battu Obayashi, Li Chiao et Koki Watanabe sur les premiers tours, donc difficile de le juger là-dessus parce qu'il a Trop bien. galéré pour battre des joueurs un peu moyens. Mais tu as raison de parler de sa demi-finale où il bat Vititsarn, 21-17, 21-13, remake de la finale des derniers championnats du monde avec une issue différente. Et ben non, mais un match différent, parce que je m'en souviens que c'était un match bien pourri. Là, c'était Oui. un peu mieux. Surtout, on a vu un bon premier set. Et surtout, on a vu un bon Naraoka, qui, moi, qui est, on va dire, la critique assez facile, qui suis pas fan de son style de jeu. Je l'ai trouvé sur ce match et sur la semaine globalement, même si justement, en finale, ça lui a pas porté chance. J'ai trouvé un peu plus offensif et protagoniste, on va dire, que d'habitude. Bah, je partage tout à fait et ça me permet et nous permet de remettre l'église au milieu du village aussi. J'ai lu des dingueries absolues sur le Discord ces dernières semaines, du type Kodai Naraoka, il a pas le niveau d'un top 10 mondial. Qu'on se dise les choses, on n'aime pas le style de jeu, mais il n'y a aucun mec en dessous de 7 mondial qui est meilleur que Naraoka aujourd'hui. On peut débattre du fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, encore une fois, mais. Bien sûr que oui, ce gars-là est top 5 mondial. Et il est top 5 mondial parfois en étant franchement très moyen. Là où je suis d'accord avec toi et je suis aussi curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est que je trouve qu'il est vraiment sur courant alternatif et quand il le décide, on voit bien qu'il est capable d'attaquer. Alors il n'a pas la puissance d'un Lady Gia, mais il a tellement de compréhension et d'anticipation dans son jeu qu'il est capable vraiment. Et je pense qu'au tout début où il a percé, vraiment il le faisait régulièrement, mais il est presque devenu feignant dans son jeu, sachant qu'il pouvait gagner des matchs, aller en quart de finale ou en demi en jouant très tranquillement en restant sur ses acquis. Et je trouve qu'il a rappelé contre Viti Tsarn quand même qu'il ne savait pas faire que ça. Moi, Benoît, j'ai une petite théorie, c'est que je pense qu'il s'est un peu endormi dans son style de jeu, je suis assez d'accord, ouais. Mais qu'il est peut-être moins au point physiquement que ce qu'il a pu être quand il fait finale aux Mondiaux notamment, et qu'il a plus de mal à tenir les matchs très longs, et que je pense qu'avec ses coachs, ils ont dû se poser et dire « bah maintenant, la stratégie, elle marche plus ». Peut-être qu'aussi les joueurs savent à quoi s'attendre aussi, contre lui, et qu'ils se sont dit « il va falloir reprendre un peu les clés du jeu, parce que là, ça ne va pas, quoi ». Donc, surtout qu'il est capable. C'était franchement mieux avoir joué. Et Benoît, vu son bilan, il passe à côté de la finale, je trouve, un petit peu. Mais vu son bilan des derniers temps, une finale en 1000, même si vu l'opposition, il aurait peut-être pu faire mieux, mais une finale en 1000, Benoît, c'est très bien, hein, vu ce qu'il a montré ces derniers temps, je trouve. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il se satisfera de ça. Ce dont il ne se satisfait pas, c'est d'avoir perdu une finale comme ça contre un joueur, à mon avis, pas meilleur que lui, c'est plus ça. Mais oui, je suis d'accord, il va prendre des points, il a dû revenir, je sais pas le classement sous les yeux, mais il me semble avoir vu en début de semaine qu'il repassait dans le top 4. Donc oui, enfin ça va le rassurer aussi, je pense. Et son vrai niveau, il est plus proche de ce qu'on a vu cette semaine quand même que ce qu'on voit depuis 4-5 mois, je pense. Oui, je suis assez d'accord. Benoît, de quoi on va parler ? Tiens, on va parler des Français, après on reprendra les têtes de série. Le premier, Thomas Junior Popov, qui lui nous a laissé une semaine animée. Victoire de fou furieux au premier tour contre Leong Junao, le Malaisien. Ouais. 23-25, 26-24, 21-19, puis défaite contre Jonathan Christie, 16-21, 21-18, 22-20. Donc il a joué que deux matchs, mais en simple en tout cas, mais il en a passé du temps sur le terrain. Benoît, il nous a montré que il a été ultra solide mentalement. Il lui manque un petit peu pour renverser Christie en fin de troisième set au deuxième tour. Il sauve combien ? Il sauve trois volants de match avant de s'incliner. Et après, il avait un tableau. On se disait, s'il bat Christie derrière, il a un tableau un petit peu dégagé quand même. Donc on avait hâte de voir ça. Mais malgré tout, ça reste une bonne perf parce qu'il était quand même assez mal embarqué dans ce premier match. Donc même si c'est une défaite au deuxième tour, c'est pas une mauvaise semaine pour le Français. Non, c'est même une bonne semaine. Et au-delà de la perf, là, le niveau de forme, on s'est quand même rapproché de ce qu'on avait vu au jeu, qui je pense était son objectif de la saison. Donc je pense que c'est un bon curseur quand on veut juger dans quelle forme il est. C'est un peu frustrant, mais presque il a joué une demi-heure de trop contre Leong Junao pour... En fait, dans ce genre de tournoi, quand t'es un outsider comme ça et que tu sais que tu vas prendre des têtes de série à un moment, bah, c'est triste à dire parce qu'il y a des super joueurs en face, mais tu peux juste pas te permettre de jouer 1h35 au premier tour contre Leong Junao. Et ça coûte un peu, je pense, parce que tu l'as dit, le tableau derrière, il était dégagé. Même contre Christie, en ayant joué autant la veille, il est franchement pas très loin d'y aller. Franchement, ouais, une très très bonne semaine de Tommy. Et je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai quand même l'impression que même son niveau moyen a passé un step depuis quelques mois. Ah ouais, moi aussi. Franchement, je trouve que... En fait, maintenant, tu vois, là, toi et moi, on se disait... Ah, on regardait déjà après le tableau, après Christie, parce qu'on était en mode... Il n'est pas favori, mais s'il le bat, c'est pas non plus un exploit, quoi. Maintenant, il regarde ce genre de mec dans les yeux, Thomas Junior Popov. Et c'est ça que j'aime, j'aime bien. Il a totalement... En tout cas, lui, internaliser ce nouveau statut. Et même s'il y a eu des moments difficiles après la qualif, ce qui peut s'entendre, son niveau de jeu est clairement en hausse ces derniers temps. Côté Christo, Benoît, l'autre Français de ce tableau, un peu plus compliqué, défaite au premier tour contre Wang Tsui-wei, également un gros match, 21-14, 12-21, 21-19 pour le Taïwanais. Christo qui repensera sûrement aux quelques points laissés passer quand il menait 18-16 dans le troisième. Et Benoît, pour le coup, c'est dommage parce que ça aurait pu être un peu le match idéal pour reprendre un peu de confiance, ce dont Christo semble manquer un petit peu, je trouve, en ce moment. Ouais, forcément, les deux trajectoires sont assez différentes, j'ai envie de dire. Même si on sent, franchement, pour le coup, je pensais pas dire ça, mais il prend plus de... J'ai envie de te dire, il prend de la confiance peut-être sur l'autre tableau, mais il a besoin de regagner des matchs contre ces joueurs-là, ça c'est sûr. Je suis pas inquiet que ça va réarriver, mais le plus tôt sera le mieux, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est Wang Tsui et Wang Tsui est pas mauvais, mais c'est vrai que là, ça aurait pu être un bon match. En plus, même un tour passé sur un 1000, bah, ça fait des points, mine de rien, donc c'était prenable. Côté tête de série, Benoît, il va falloir qu'on dise un mot. Shiyushi, le mec, il a été traumatisé par ses JO ratés. Hein. Il prend 11 et 8 au deuxième tour contre Ginting. Ginting qui fait pas une mauvaise semaine, hein, qui bat Wardoyo et qui après perd 19 au troisième contre Vichitsarn. Mais côté Shiyushi, il va falloir se remettre d'aplomb rapidement. Je pense qu'on n'était pas sûr après les jeux. Il s'est remis à jouer tout de suite. Moi, je pensais qu'il allait prendre une pause. Peut-être que la Chine lui a pas laissé le choix aussi. Hein, mais là, en tout cas, Benoît, on a la confirmation que psychologiquement et peut-être physiquement, il est plus au point. Ouais, bah, d'ailleurs, on a eu un peu plus de précision là-dessus. C'est que c'est lui qui a voulu jouer après les Jeux. D'ailleurs, Lindan en a parlé à la télé pendant le China Open en disant qu'il était peut-être temps qu'il prenne une pause. Et lui, à la suite de sa défaite contre Ginting, dont je voudrais dire quelques mots juste après, je serais curieux d'avoir ton avis, il a dit... C'est dur de prendre ce genre de décision, mais en gros, lui, il réfléchit à une retraite, pas juste une pause. Ben ouais. Il dit que c'est pas facile de prendre ce genre de décision. Et tout le monde en a un peu parlé, parce que Gil Clark aussi, elle analysait ce qu'il disait. Il disait « Oui, mon corps me laisse pas tranquille et tout. » Et Gil Clark disait assez justement, moi je trouve, et c'est là où j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Mais lui, il parle de son corps, mais quand on voit son attitude contre Ginting, il y a plus que ça, on sent que Paris ça l'a détruit presque. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est un mec, je suis pas sûr que qu'il fasse de vieux os dans ce sport. Il est pas vieux, Shiyushi, hein, mais il a 27, mais, 28. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'on le revoie longtemps. Je pense que Benoît, je pense que jouer pour la fédération chinoise, enfin, je sais pas, une critique, mais ça a des points positifs, mais je pense qu'aussi la pression, surtout quand t'es simple homme numéro 1, je pense que ça doit user un homme quand même, et je suis pas sûr qu'on le voit à Los Angeles, tu vois. Non, pareil, bah, je pense que c'est une essoreuse, hein, ce genre de... Ouais. En tout cas, une fédé qui a un comportement pareil, et c'est pas une critique, mais voilà, il faut avoir les épaules. Après, je pense aussi qu'on pourra réavoir le débat, mais aujourd'hui, il y a personne qui a les épaules en Chine pour être numéro 1 chinois. Non, on pensait que Li Shifeng et finalement ouais, on y a cru, ouais. On dirait pas. Maintenant derrière, tu vois, la Wang Hongyang, il fait une super semaine, mais sur la durée, ça le fera pas. Pareil avec Lei Lanchi la semaine dernière. Ouais, ça pose clairement question. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de Vichitsarn? On en a pas trop parlé dernièrement de lui. On a parlé vite fait de sa demi là, mais qu'est-ce que tu penses de son niveau actuellement? Il a quand même un peu chuté au classement. Hein. Maintenant, il est que 8e. Qu'est-ce que tu en penses du champion du monde en titre? Qu'il se remet doucement. Il n'a pas été si mal à Paris, très honnêtement, au jeu. Ouais, je dirais qu'il se remet doucement. Il fait quand même une demi sur un super 1000. Il perd contre Naraoka, à mon avis, c'était quand même deux des meilleurs joueurs du tableau. Il a eu des matchs pas si faciles. Il y a eu Ginting notamment. Ouais, en vrai, moi je suis pas. Oui, j'en attends mieux parce que c'est pas son niveau de pointe, ça j'en suis convaincu, mais ça reste quand même acceptable. Je sais pas si tu le vois pareil. Non, je suis assez d'accord. Ça met du temps, il a eu des problèmes physiques, etc. Mais on revoit des choses intéressantes quand même. Li Jijia, Benoît, sans commentaire, il prend 15 et 2 contre Watanabe au premier tour, contre Koki Watanabe. Alors, ok, il y avait du drift dans cette salle en Chine, un côté qui était meilleur que l'autre, qui était plus facile à jouer. Enfin, il est quand même le seul à avoir pris. Du drift, ouais, il a drifté jusqu'à Kuala Lumpur, là. C'est clair, il a été un peu trop porté par le vent, là, ça l'a ramené à la maison. Anders Antonsen, Benoît, dont on a parlé la semaine dernière, je crois. La confiance, c'est compliqué. Hein. C'est un gros match contre Loki New, gagné 21-18 au troisième, où il a été assez solide. Derrière, il n'arrive pas à prendre le large contre Wang Mongyang et il se fait punir 23-21 au troisième. C'est un peu... Ouais, peut-être petite passe difficile pour Anton Sen, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Shu Tianchen qui a battu Li Shifeng tête de série 4 au premier tour et qui derrière perd contre le futur vainqueur Wang Hongyang. Et j'ai déjà parlé de Christy. Il ne reste donc à parler d'une seule personne dans ce tableau, Benoît. C'est Victor Axelsen, tête de série 2, qui perd au premier tour contre Lei Lanchi, le chinois, 21-19, 17-21, 21-16. Le remake du match qu'on avait eu 3 jours plus tôt, je crois, à Hong Kong, où on l'a dit dans notre épisode, Axelsen lui avait mis une volée. Là, Benoît, c'est assez incompréhensible. On a vu un Axelsen très, très nerveux, encore une fois, contre un mec à qui il avait appris le bas de la semaine d'avant. C'est... Alors, les conditions sont différentes, mais Lei Lanchi, il n'est pas non plus monstrueux. Il fait quart après. J'ai du mal à comprendre comment Axelsen peut être aussi nerveux et aussi peu sûr de sa force et aussi pas très au point tactiquement aussi sur ce match, j'ai trouvé. Ouais, je te trouve dur parce qu'il faut quand même jamais enterrer les légendes. Ce qui s'est passé en finale la semaine dernière, c'était une anomalie. Lei Lanchi, c'est quand même... il a remis les pendules à l'heure. Une star de la CBA. Ouais, voilà. C'est pour ça que je te trouve un peu dur avec lui. Et là, il a montré son vrai niveau de jeu. En tout cas, un vrai plan tactique. Il a eu le temps de l'étudier, même si sa finale elle est passée vite la semaine dernière. Mais en vrai, je suis plus mesuré, je l'ai trouvé moins stupide dans son approche parce que sa finale, franchement, je suis désolé, mais j'arrive pas à être mesuré sur ce qu'il a proposé. Après, Axelsen, c'est... Je te rejoins, c'est assez incompréhensible. Ou alors, vraiment, c'est pour jouer le jeu de dupe jusqu'au bout de « je perds au premier tour en Chine », je sais pas trop. Ouais, enfin, dans ce cas-là, gagner le Super 500 et perdre au premier tour du 1000, il aurait dû faire l'inverse, Victor, s'il avait fait exprès. Bah oui. C'est pour ça que je comprends pas la tension au premier tour de 1000 contre Lei Lanchi, mais d'où ça sort? Mais oui, moi aussi, c'est clair. Pourquoi t'es aussi tendu, frérot? Je ne comprends pas. Et ouais, son attitude, elle est pas du tout bonne à Axelsen. Il prend le deuxième et il commence le troisième de manière catastrophique. Je sais pas, ouais. Et même, comme je disais, tactiquement, j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire. Enfin, bref. Lui non plus. Bien joué à Nishimoto qui a battu Kieran George au premier tour alors qu'il avait perdu 21-4 le premier set. Message d'espoir à tous ceux qui se mangent 21-4, c'est pas perdu les gars ou les filles, accrochez-vous. Voilà, sinon je pense que... Est-ce qu'on a fait le tour de ce tableau de simple homme, Benoît? J'en ai bien l'impression, oui. Ouais, un bon tour même. Et 47 minutes qu'on parle déjà. Après je pense que ça va aller vite avec le dernier tableau, le double homme. Dieu dit Adam... Et Benoît Goizoudin, qui empêche en toute fin de... Puisque là, on a fait le débrief des tableaux dans l'ordre des finales. Donc, la Chine était à 4 sur 4 jusqu'à maintenant et a failli faire le 5 sur 5. Mais Goizoudin ont résisté à l'envahisseur, j'ai envie de dire. 13-21, 21-12, 21-17. En vrai, Benoît, on va pas se mentir. Si vous avez vu le match, c'est plus la blessure de Ren à la fin du premier set qui a empêché la Chine de faire le 5 sur 5. Hein, parce que après le premier set, même avec, je l'ai dit, du drift et des conditions qui peuvent s'inverser dans le deuxième, les Chinois, même blessés, ils ont failli gagner le match. Alors je pense que si Ren n'avait pas eu des problèmes de dos, il me semble, je pense que la Chine était bien partie pour faire carton plein. Ouais, je le pense aussi. Franchement, très honnêtement, en voyant le match, je me suis dit que il ne pouvait arriver que ça à RN pour perdre cette finale. Franchement, c'est dur, mais je suis remonté un peu dans les vainqueurs du China Open en me posant la question de qui avait gagné une finale en étant à un niveau aussi faible. Et c'est pas méchant, hein, mais franchement... autant il y en a d'autres qui n'ont pas le niveau pour gagner un Super 1000 mais qui l'ont gagné assez brillamment, j'ai envie de te dire, ou en tout cas en le méritant. Je suis désolé pour les Malaisiens, mais j'ai du mal à me dire qu'ils ont mérité de gagner cette finale de Super 1000. Premier Malaisien à s'imposer en double homme au China Open depuis les frères Sidek en 89. Bon, n'est pas sur le non, même niveau. Puis t'as vu les derniers vainqueurs, enfin, franchement, sans déconner. Effectivement, Liang Wang, Gideon Sukamoglio, Astrup Rasmussen qui avait créé la surprise en 2018, les Minions 2016-2017, Kim Kim encore avant. Effectivement, là, c'était un peu une année faible. Alors bah, il va pourtant, falloir remonter, oui, voilà. Il y avait des paires hein, dans ce tableau pourtant, mais bon, on va voir que... On va voir que tous ont eu des matchs assez compliqués, des perfs décevantes. Mais ouais, Goizudin, ils ont fait leur semaine. Hein, mais bon, ils ont battu Chen Yu, les Chinois. Arif Yap, leur compatriote malaisien. D'autres malaisiens, Man Chi. Puis Fikri Martin. Donc en gros, aucune tête de série pour arriver en finale. C'est vrai qu'ils n'ont pas volé leur titre, mais... Allez, Fikri Martin, ça doit être leur meilleur match. Je compte pas la finale parce que je l'ai dit, avec la blessure de Chinois pendant 2 sets sur 3, ça fausse un peu les analyses. Et du coup, ça a donné un match soporifique et vraiment nul. Hein, parce que les 2e et 3e sets, tu voyais que les Malaisiens, ils jouaient en mode ok, il y a un blessé, mais on va quand même. Attention, si on perd, c'est la honte. Les Chinois, ils essayaient de tout donner, mais ils avaient du mal. Les Malaisiens qui n'ont même pas vraiment fêté la victoire, du coup, pour le coup, ils ont été plutôt très fair-play avec ce qui s'est passé en face. Donc, ouais, c'était pas la meilleure finale pour terminer, on va pas se mentir. Benoît, les frères Popov ont pris le pire tirage de tête de série au premier tour, défaite 22-20, 21-16. Ils ont été très bons. Ils ont été très bons, ok. Oui, oui. J'ai pas premier vu moi, degré, donc, ils ont été très très bons. Ça marche. Tête de série 1 qui perd au premier tour après Liang Wang, donc qui était tenant du titre et qui perd après contre Fikri Martin, une des nouvelles paires indonésiennes. 21-19, 18-21, 21-17. Voilà, Fikri Martin qui a ensuite battu Kjærsgaard, tête de série 8 sur un 1000. Alors là, j'aurais décidément tout vu. Pas forcément des choses que j'avais envie de voir, d'ailleurs, tu me diras. Kang Seo, Benoît. Un quart de finale, ouais. Bah, non, non. Ouais, bah, ils vont se mettre bien, ils vont se mettre bien, c'est ça que tu voulais dire. Kang Seo qui sont allés un peu contre ce que je disais la semaine dernière, parce que moi, ma théorie, c'était que contre des paires assez inférieures, pour l'instant, depuis les JO, ils faisaient largement le boulot, mais qu'ils avaient du mal quand le niveau s'élevait. Bah, là, ils ont perdu contre Manetti, les Malaisiens, 21-18, 21-19 au deuxième tour. Ouais, ils ont beaucoup joué aussi, quand même. Ils ont beaucoup joué aussi, je suis assez d'accord, mais quand même, petite déception. Li Yang, tête de série 6, les Taïwanais, ils perdent dès le premier tour contre Hong Teo, une paire qui n'est pas tête de série, mais qu'on connaît plutôt bien. Hong Teo qui font une bonne semaine, puisqu'ils ont également tapé Alfian Argento en quart de finale, 14-21, 21-17, 21-14. Benoît, Alfian Argento, une paire dont on ne parle absolument plus, qui est un peu dans l'anonymat total maintenant. Même au jeu, on en a vite fait parler, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas quoi te dire. En plus, j'ai l'impression qu'avec les débuts de Fikri Martin et un peu moins cette semaine de Fernando Molana, Alfian Argento, soit il va falloir step up fort, soit ils vont tomber dans l'anonymat plus, et voir peut-être sortir des petits papiers de la PBSI. Oui, c'est clair. Benoît, le meilleur match de double de la semaine, c'était sûrement ce Eren Astrup Rasmussen, même si bon, on a vu deux premiers sets qui sont chacun tombés assez clairement d'un côté d'une paire, mais le troisième set était très sympa. 21-19 pour les Chinois au troisième contre les têtes de série 2, qui avaient déjà galéré pour battre Fernando Molana au tour d'avant. Voilà, un bon troisième set, Benoît. J'ai bien aimé ce qu'on fait Astrup Rasmussen. Il manque un peu de... Bah, c'est comme d'hab avec Astrup Rasmussen, c'est qu'il y a zéro filet de sécurité, quoi. Donc les Chinois avaient l'air un peu plus sûrs de leur force, mais voilà, j'ai bien aimé ce match. Ah oui, après pour le coup, c'est un vrai quart de finale de Super 1000 entre deux paires qui, à mon avis, ont un niveau top 5 mondial. Oui, tirage un tableau... peu pourri pour les deux, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était une partie de tableau assez intéressante parce que même le Fernando Molana, Astrup Rasmussen, il était vraiment pas si mal au tour d'avant. Et ouais, la partie de tableau de Astrup Rasmussen, il y a eu Hassan Sechawan au premier tour, même si c'est plus que c'était. C'est quand même pas une partie de tableau hyper cadeau. Ouais, non, c'est clair. Ils auraient... Quand tu vois les paires qu'il y avait en quart ou en demi à Astrup Rasmussen, ils peuvent avoir un peu les boules d'avoir eu ce... Oui. D'avoir vu ce tirage. Benoît, je pense qu'on n'a jamais fait aussi rapide sur un tableau de double homme, mais là, on a déjà fait le tour. Ouais, Jump Cockedren, un petit mot ou pas? Non. D'accord, très bien. Défaite au premier tour, 16 et 11 contre Sandegaard Toft. Bah d'accord, c'est voilà. Bien les mecs. Merci, merci d'être passé, ça fait plaisir. Super, de vous bravo. Voir. voilà, donc sinon c'est tout. Hein. Wang Chilin avec son nouveau partenaire Chu, défaite dès le premier tour assez sèche, 21-13, 21-13 contre Fikri Martin. C'était pas sa semaine à Wang Chilin. Mais bon, il est double champion olympique, donc est-ce qu'il s'en fout? Je pense que oui. Donc voilà, Benoît, je sais pas si tu veux conclure, mais voilà, un super mille. Je me faisais la réflexion que depuis le Covid, on n'avait pas eu un super mille aussi moisi, je pense. Je suis à deux doigts de te dire que le top 12 était plus intéressant ce week-end. Ouais, non, peut-être pas. Bah justement, si t'es à deux doigts de dire montage, ça, c'est qu'on va, au montage. On va conclure, on va conclure l'épisode. Benoît se met à dire n'importe quoi. Benoît, merci d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on va espérer que ce soit lundi. Je vous jure, on fait des efforts. Mais on fait, de toute façon, on fait un épisode qu'on vous a promis depuis quelques semaines maintenant et qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire le point sur... En gros, qu'est-ce qui se passe dans tous les pays depuis la fin des JO avec qui part à la retraite, qui change de partenaire, etc. C'est le gros point qu'on va faire donc le 30 septembre, lundi prochain. On va faire pays par pays, donc on va prendre les pays majeurs du badminton et voilà. Qui arrête en simple, qui arrête en double, quels sont les futurs, peut-être les espoirs en simple, quels sont les futurs paires de double. C'est pas encore clair et dit dans tous les pays, mais on va en tout cas faire des petites recherches et vous donner les infos qu'on a. Donc voilà, on espère que vous écouterez cet épisode puisque nous en tout cas on a hâte de vous le faire comme on en parlait déjà depuis quelques semaines avec cette tournée asiatique. On y voit déjà un peu plus clair. Et ensuite, octobre, ce sera déjà la tournée européenne. Pas d'IFB cette fois, mais on devrait faire a priori la Finlande et le Danemark et peut-être l'Allemagne pour finir. Ça va être sympa et on espère que vous serez au rendez-vous en écoutant les épisodes et en parlant sur le Discord. Vous êtes toujours plus nombreux à être dans ce serveur et si vous voulez le rejoindre, le lien est dans la description. Merci de nous écouter. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。青云之平凡的手。